Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, on parle de dépendance, de rétablissement et surtout d'espoir avec l'association Narcotique Anonyme, une structure qui aide celles et ceux qui veulent sortir de l'emprise des drogues. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Michel et Mathieu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Narcotique Anonyme ? L'association Narcotique Anonyme, elle est une association composée d'hommes, des femmes, pour qui la drogue est devenue un problème majeur. Nous sommes des dépendants en rétablissement et nous nous réunissons régulièrement afin de nous entraider. C'est la base de l'association, c'est les réunions qu'on fait pour se rétablir. Vous fonctionnez essentiellement en binôme. C'est-à-dire que les trois piliers du... Enfin, il y a plusieurs piliers du rétablissement, mais ce sur quoi les dépendants qui souhaitent se rétablir peuvent vraiment s'appuyer au sein de Narcotique Anonyme, ça va être dans un premier temps donc les réunions, alors physiques ou en visio, ça existe depuis les confinements et la Covid. Ça va être aussi la littérature, parce qu'on a beaucoup de littérature de ce que les gens avant nous ont expérimenté, trouvé, compris, pour nous aider à comprendre aussi un peu nous-mêmes comment on en est arrivé là. Et ça va être aussi beaucoup ce qu'on appelle le téléphone, le fait que tous les membres, généralement, la première fois qu'on rentre dans une réunion, on a un petit carton qui passe, qui nous est destiné à nous nouveaux, où tous les membres présents peuvent, s'ils le souhaitent, et la plupart du temps ils le font, laisser leur numéro de téléphone, ce qui fait que si jamais à un moment on a une petite faiblesse, une envie de reconsommer, on peut tout de suite appeler quelqu'un et avoir un ami au téléphone pour nous soutenir. L'association Narcotique Anonyme à Nancy, c'est une adresse, c'est un lieu où vous vous retrouvez, alors ça se passe où ? Oui, l'adresse c'est pas à Nancy, c'est à Vendôvre, c'est 5 avenue de Jonquille à Vendôvre. Là, on se réunit tout le mercredi entre 19h15 et 20h30. Mais si vous n'êtes pas à Nancy, si vous êtes à Metz par exemple, il y a des réunions là aussi. Il y a les sites narcotiqueanonyme.org où c'est possible de trouver toutes les réunions en ligne ou en physique. Mais il y a Vendôme, il y a Metz, il y a partout en France en fait. Oui, il y a beaucoup de réunions en physique. Pas autant qu'on le souhaitait, mais il y en a beaucoup. L'association est encore méconnue aujourd'hui, peut-être ? Je pense qu'en France, on est un peu méconnu, mais on est en train d'essayer de régler ce problème en faisant des contacts comme avec vous, les radios, les autres moyens de communication, justement pour avoir plus de membres et pouvoir grandir. Mais l'association en soi, elle est connue comme association ou fraternité parce qu'elle est partout dans le monde. On est dans plus de 170 pays. Il y a des réunions H24, si vous voulez, dans plusieurs langues, anglais, portugais, français, espagnol, etc. Vous l'avez connu de quelle manière ? Alors, c'est par le bouche à oreille, Mathieu ? Moi, au début, je ne suis pas arrivé tout de suite chez Narcotique Anonyme. Je suis d'abord passé chez Alcoolique Anonyme, qui est beaucoup plus reconnu, ne serait-ce que dans la culture populaire. On connaît tous un peu, au moins, l'existence de cette association. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que le message délivré me correspondait, mais n'allait pas suffisamment loin. Il manquait quelque chose. Ce à quoi, en fait, une fois dans les structures alcooliques anonymes, j'ai découvert qu'il existait plein de confrères et consoeurs qui n'avaient pas forcément les mêmes problèmes que moi. Et c'est suite à ça que je me suis intéressé à Narcotique Anonyme et que j'ai découvert la structure. Michel ? Oui, moi, en gros, j'avais essayé d'arrêter de consommer de plusieurs façons, avec la médecine, psychologue, avec la religion, et ça n'a jamais marché. Je suis arrivé à un point où je pensais vraiment que c'était la fin, quoi. J'allais mourir en consommant parce que je n'arrivais jamais à m'en sortir. Et là, mon frère, il était dans une hospitalisé à cause de ça aussi. Ils ont fait un Narcotique Anonyme et passé où il était et a amené le message. Il m'a invité à venir. Il a dit, oui, on peut aller ensemble et tout. Et j'avais plus d'espoir. Je ne savais même pas quoi faire. Donc, je dis, oui, ça va peut-être que... Et là, j'arrive et ça m'aide depuis 15 ans, quoi. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette démarche ? C'est un peu fou, en vrai. Parce que je me suis posé cette question à plusieurs reprises. Parce que je me suis dit, mais regarde, les médecins, il connaît beaucoup, ils n'ont pas pouvoir m'aider. Le prêtre aussi. Et pourquoi aller dans une réunion et parler justement parler et entendre les gens, ça m'a enlevé l'envie, ça m'a fait sortir d'où j'étais. Et là, depuis plusieurs moments, je me suis rendu compte que c'était l'espoir, vous savez. Parce que quand je suis arrivé, il y avait des gens qui étaient abstinents depuis 12 ans, 4 ans, 10 ans. Et moi, je n'arrivais même pas à passer 2 jours sans consommer. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne consommaient plus depuis si longtemps, je me suis dit non, mais s'ils arrivent, j'y pourrais aussi. Mathieu, c'est ça aussi ce que vous avez, ou peut-être autre chose d'ailleurs. Moi, la première chose que j'ai ressentie quand je suis arrivé dans cette fraternité, c'est surtout un espace où il y avait une paix et une sérénité incroyable. Les gens étaient là, ils avaient tous leurs problèmes, ça, personne ne leur met en question. On sent tout de suite que les gens, ils ont leur casserole, mais un peu comme tout le monde, qui n'en a pas. Mais ils avaient une sérénité et une acceptation de leur propre défaillance, de leur propre déficience, qui fait que, en fait, il y a une chose qui pousse souvent à la consommation quand on est dépendant, c'est la honte et le jugement qu'on a envers nous-mêmes. Et le fait d'avoir des gens qui, avec leur bagage, si lourd soit-il, avaient une parfaite acceptation, une parfaite sérénité avec ça, je me suis, en fait, ça m'a retiré d'un poids énorme. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est qu'au sein de ces mouvements, au sein de cette fraternité, quand on n'a plus la force, nous, en tant qu'individu, de porter notre bagage, notre poids, notre souffrance, il y aura toujours un frère ou une sœur qui sera là pour, enfin, un ami qui sera là pour dire « Non, mais c'est bon, je peux le porter pour toi. » Et c'est ça que je retrouve en réunion, en fait. Le fait que je puisse vider mon sac, mais je le prends, je le retourne et je sors tout ce qu'il y a dedans, et instantanément, tout s'en va, et ils arrivent à le prendre et à le porter comme si c'était rien, et c'est ça qui permet, un jour après l'autre, de se dire « Bon, ça va, je peux vider mon sac. » Et c'est ça qui fait le plus de bien pour moi. Donc, une personne qui ne connaissait pas forcément votre association aujourd'hui, qui la découvre. Alors, bien sûr, ça vient en complément de toute la démarche à côté, qui peut être médicale, psychologique et tout ça. Ça vient en plus. Oui, nous ne prétendons pas remplacer la médecine. Nous ne prétendons pas remplacer tous les professionnels de santé. On n'est pas du tout là pour ça. On est juste là pour... écouter et soutenir et supporter en tant que dépendant les autres dépendants. On n'est pas du tout dans une démarche médicale et on ne se substitue pas du tout à la médecine. Les réunions, c'est tous les mercredis, vous l'avez dit, à Vendeuvre. Il y a un site internet, on peut retrouver toutes les infos pratiques et les contacts aussi, j'imagine. Oui, le site internet, c'est narcotiquesanonymes.org et il y a aussi un helpline pour appeler. Moi, je suis dépendant, Mathieu, il est dépendant, et notre 7e tradition, elle dit qu'on doit soutenir nous-mêmes notre fraternité. Donc, si vous appelez les numéros que je vais vous dire, c'est le 01 43 72 12 72, vous allez retrouver un autre dépendant au bout de la ligne. Et là, il aura toutes les infos pour les réunions, et si vous avez besoin de partager, on a envie de consommer, vous pouvez nous appeler aussi, il y aura toujours quelqu'un à l'écoute. Comme vous avez posé la question avant, si on est toujours en binôme, c'est parce que quand on est en consommation, on est seul. C'est une solitude énorme, la honte et tous les mauvais sentiments qui nous prennent. Mais à partir du moment qu'on est abstinent à Narcotiques Anonymes, on n'est plus seul. On est toujours avec quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a personne à appeler, on a toujours ce numéro-là qui s'appelle Helpline, justement pour nous aider. Le message que vous aimeriez faire passer aux auditeurs aujourd'hui, pour des personnes qui seraient aussi dans votre situation ou qui connaîtraient aussi quelqu'un qui pourrait se retrouver dans cette situation. Mathieu ? Moi, la phrase qui m'a le plus transporté et qui m'a le plus aidé, c'est vraiment ce que vient de dire Michel. La première réunion que j'ai faite en partant, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule et gentiment dit « Tu seras plus jamais seul ». Voilà, à toutes ces personnes qui sont dans la tourmente, si vous venez, si vous faites l'effort, la démarche sincère de vouloir arrêter de consommer, alors vous serez plus jamais seul. Notre troisième tradition dit la seule chose requise pour être membre des Narcotiques Anonymes, c'est le désir d'arrêter de consommer. On ne pose pas de questions par rapport à l'argent, à l'origine, culture, langue, peu importe. Si vous avez un désir d'arrêter de consommer, il faut savoir qu'il y a un endroit où c'est possible et que nous, ici, aujourd'hui, nous sommes la preuve. Comme je vous ai dit, 15 ans d'abstinence, ça marche. si vous donnez à vous-même une possibilité que ça se fait. Et on n'attend pas des nouveaux qui soient déjà abstinents. Si vous consommez encore, mais que vous avez le désir, c'est tout ce qu'il faut. Vous avez le droit de venir, même en étant actif dans votre consommation. Et on vous accueillera au contraire à bras ouverts. Narcotique Anonyme, on tape dans un moteur de recherche, on le trouve facilement. Sinon, c'est le site narcotiqueanonyme.org. Le numéro de téléphone, on le retrouve également sur ce site. On le mettra aussi sur le site de la radio en parallèle de ce podcast. Merci infiniment à vous deux d'avoir partagé ce témoignage. Merci beaucoup. À bientôt. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.